Extrait du 19 novembre. Nous montons en direction des 7 lacs en suivant une route goudronnée aux courbes généreuses qui nous permettent de profiter du paysage progressivement et sous divers angles. Nous arrivons finalement au mirador Pilpil, depuis lequel nous voyons en contrebas un morceau du lac Lacar. Donc ça c'est le lac au bord duquel se trouve San Martin, que nous laissons désormais derrière nous. Il s'agit d'un arrêt presque obligatoire pour les minibus qui emmènent les touristes faire le tour des 7 lacs et que nous verrons circuler dans un sens et dans l'autre tout au long de la journée. Cette fois-ci, le paysage a définitivement tourné au vert, la végétation étant beaucoup plus dense qu'avant l'entrée à San Martin. Dans la soirée, nous atteignons la Laguna Fria, puis le lac Machonico, au bord duquel nous camperons ce soir. Un panneau interdit de camper nous indique un excellent lieu de camping. La pluie faible ne cesse pas, même au moment de planter notre tente, et elle m'oblige à m'abriter à l'intérieur pour la première fois de tout notre voyage, pendant qu'on fait la cuisine le soir. Aujourd'hui, nous cuisinons à l'intérieur et devrons apprendre à partager les 3 mètres carrés de notre petite maison, une bonne école de patience et de tolérance.